J'écris cette carte, je prends des news de ceux qui saignent. Je sais, j'ai l'air absent comme ceux qui s'aiment. Donne-moi du good, j'espère que t'as fait bon chemin. L'amour nous aide à naviguer entre taf et cauchemar. Face au chétan, j'ai pris au coup, mais y a pas tant. Dieu ne m'en veut pas tant, m'a donné une fille épatante. Tous ces mots pèsent, c'est pourquoi les mots pèsent. Dans le fond, quand on prend tes nouvelles, on attend les mauvaises. Surtout ne le dis pas quand ça craint. Qui veut tout savoir crèvera de chagrin. Je passe mon temps à traiter ces rimes. Je suis pas pressé de vivre, j'attends pas la retraite et ses rides. Avec le temps, t'effaces des potes et des projets de l'agenda. Dire que moi, je voulais ma place au top depuis le placenta. Prends soin de toi et embrasse bien les autres. Signe ton pote et pardonne-moi pour les fautes.